mon zélio, mon fusil, mon fils, mes frères, ma mère, c'est mon amour. Si mon business marche plus, ma vie, j'irai braquer tous les jours. J'entends des fils de pute qui veulent salir mon parcours. Quand je ne t'oublie pas, je pense à toi tous les jours. Y'a que du pain dans les fours, on crève la dalle comme au Darfour. Ouais, c'est cosy là. Ouais, l'opélo, ouais. Ouais, Koro, fallait que je te dise. Ouais, je suis en cabine là, je te rappelle, négro. Ouais, ah, mais attends, t'as vu ça où là? Python, Beta, Corpo, Charlie, Delta, Charlie. Un keuf, c'est un keuf, un neuf, c'est un neuf, une meuf, c'est une meuf. Founesa, Founesa, vas-y, ne paye pas ta dette, et ta meuf sera une veuve. Bender, RERD, on tire l'alarme, Evry court couronne. Les diamants du Congo, du Zaïre, seront bientôt sur ma couronne. Et je les vois danser comme moi, je les vois chanter comme moi. J'suis tellement loin, mon prochain texte, j'écris sur des fesses. Bender, Ketama est dans la masse, on contrôle la zone comme la NASA. Bender, Bender, quand elle arrive, elle est anal, quand tu la sniffes, elle est nasale. Pour les charognards, j'suis dans le verre, mes coques dans la basse-cour. Je ne verse plus des larmes, j'ai perdu les proches, des prêts dans mon parcours. Calaché comme un Marseillais, j'ai gardé mon poids comme un charreau. 91 Los Angeles, 2000 Zucca, on est paro. Jimmy Tavala, Jimmy Tavala, Jimmy Tavala. Je fréquente souvent les mosquées où sont cachés les imams noirs. Je ne dirai que la vérité, le monsieur m'a dit fait leur savoir. J'ai vu des jolies demoiselles malheureusement faire le trottoir. Maman, je ne veux plus que tu pleures, je vais revendre tous les mouchoirs. Des proches ont perdu la santé, des proches ont perdu la teuté. Quand vous te parle, bah quelque part, y'a de la vérité. Bender, Bender, Sarkozy ramène la CC, et c'est Hollande qui tape dedans. Funesa, Funesa, l'Afrique ne brillera plus jamais, Kabila vend tous les diamants. Yeah. Et je les vois braquer comme moi, je les vois voler comme moi. Yeah, yeah. J'suis tellement haut que leur meilleur texte vaut le plus nul mes textes. Yeah, yeah. Les partout frisent leurs cheveux, les négresses font faire des tissages. Tissage, des tissages. Vendez la planche et du doré, fais avancer le métissage. Bender, j'ai perdu du temps, j'ai perdu des gens, j'ai perdu de l'argent. Je ne mange plus de porc, mais à 6 du matin, ils me livrent du jambon. Police ouvrée, Ketama est dans la masse, on contrôle la zone comme la NASA. Yeah, yeah. Quand elle arrive, elle est anal, quand tu la sniffes, elle est NASA. Yeah, yeah. Pour les charognards, j'suis dans le verre, mes coques dans la basse-cour. Je ne verse plus des larmes, j'ai perdu les proches, des prêts dans mon parcours. Calaché comme un Marseillais, j'ai gardé mon poids comme un charreau. 91 Los Angeles, 2000 Zucca, on est paro. Jimmy Tavala, Jimmy Tavala, Jimmy Tavala.